T'aider, mais les bons moments, ça jamais. Je comprends pas. Où est la blessure? Où est la blessure? Où est? T'es pas confiant? Reste seul chez toi. C'est quoi ce travail? Tu restes seul chez toi. Tu veux pas? Si je viens, ça ne va pas. Pourtant, tu voudrais bien que je sois là pour certaines choses, mais. Là où ce serait bien un peu de... pas, tu l'aimes pas. Alors tu crois quoi? Je vais rester là, attends que ça vienne, quand tu ne veux pas que ça vienne. Non là, je vais pas attendre bien longtemps, je vais pas attendre tout le temps, je vais pas attendre, attendre. Je viens, je repars, et puis voilà, c'est tout ce qu'on fait, c'est tout ce que je fais, c'est tout ce que je fais pour toi. Je viens, je repars. Non, moi je gagne quoi là-dedans? Je gagne quoi là-dedans? Je te parle pas de trucs, je te parle un peu d'être heureux, je te parle un peu d'être heureux, un peu d'être heureuse. Tu crois quoi? Je sais pas. En fait, t'as peur du bonheur. T'as peur d'être heureuse. T'as peur de sortir de chez toi, t'as peur de tout ça, t'as peur du monde, t'as peur de l'extérieur, t'as peur de quoi? T'as peur, voilà, c'est la peur qui te guide, c'est la peur chez toi. Oh, bah, je vois la papa, oui, et pas là, c'est quelle que son maille, qu'elle que son pas, et moi je comprends pas ce que tu racontes, ah, bien, tu t'en fous de moi, je vais pas rester.